الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va commencer maintenant le cours numéro 30 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam, Cheikh al-Islam al-Imam al-Sabouni rahimahullah, avec le commentaire de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafazahullahu ta'ala. Et donc c'est le livre Aqidatu Salaf wa Ashab al-Hadith de l'imam al-Sabouni. Donc on est arrivé donc, on est toujours dans la partie où le Cheikh explique les preuves de Istiwa Allah ala Arshi, une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur le trône. Et on a mentionné également dans les cours précédents différentes paroles des ulama, paroles des salaf. Et au dernier cours, on a mentionné l'exemple de يعني, Al-Ja'd ibn Dirham et comment يعني, les ulama ont jugé de son cas et comment il a été exécuté justement à son époque à cause de cette bid'a, de la négation des attributs. Lorsque le wali, l'amir de la région a jugé hein, à son sujet qu'il devait être exécuté. Donc ils l'ont exécuté le jour de Eid. Et c'était Khalid ibn Abdullah al-Qasri. Donc on a lu ça et on a expliqué des points aussi par rapport à ça. Les paroles des salafs. Donc il dit, on a parlé aussi de l'attitude des salafs et l'attitude des gens d'Ahl-Sunnati wal-Jama'a. En ce qui concerne les textes, hein, c'est qu'on les accepte et on les traite avec respect et on ne les rejette pas. Hein, on ne les rejette pas en se basant sur des idées ou bien des idéologies ou bien des raisonnements qui ont été établis par des hommes, que ce soit des koufars ou que ce soit des mubtadi'a. On se réfère à la sunna, on se réfère au Coran, et on se soumet à ce qui a été affirmé par rapport aux attributs d'Allah. Contrairement aux gens de bid'a parmi les Jahmiya et les Mu'tazila et ceux qui les suivent, qui rejettent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en se basant sur toutes sortes de shubuhat, toutes sortes de logiques qu'ils prétendent avoir compris, et qui sont en contradiction avec la révélation. Donc ils opposent la révélation par leur passion. Donc le cheikh, il continue son explication. Et il mentionne donc la parole de l'un des salafs, et c'était justement Wahb ibn Munabbih, lorsqu'il avait rencontré Ja'd ibn Dirham, et qui lui avait dit donc de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et que par la suite il a dit fattaqullah, il dit thumma lam yalbath ja'd an qutila wa suliba, yani qatalahu Khalid ibn Abdullah al-Qasri kama dhukira, kama dhakara qissatahu al-musannif, wa qutila Hisham ibn Abd, wa qatala Hisham ibn Abd al-Malik Ghaylan al-Qadri لأنه أعلن بعض عقائده الفاسدة مثل إنكار الكلام والخلة وما شاكل ذلك. وكان أخبر عنه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد, فسأله فقال أنا ما قلت هذا, وأظهر التوبة. فقال له عمر نكلك إلى ظاهرك, فإن كنت صادقا فذاك, وإن كنت كاذبا سلط الله عليك من يقتلك. لما جاءت خلافة هشام بن عبد الملك أعلن مذهبه الفاسد, فقتله هشام بن عبد الملك, وقتل معه آخر اسمه صالح, ثم ندم على ذلك, يعني وكان هشام يتورع عن الدماء, فكتب إليه التابعي الكبير رجاء ابن حوية أو ابن حيوة أو حوية يقول له بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك شيء من قبل غيلان وصالح، فوالله لقتلهما أفضل من 2000 من الروم والترك. والروم كفار والترك كانوا كفارا في ذلك الوقت، يعني قتل هذا الذي يدعي الإسلام ويفسد عقائد المسلمين أحب إلى الله من قتل 2000 من الكفار الصرحاء، لأن هذا يفسد من داخل البيت. Donc on va traduire jusqu'ici ce que le Cheikh Rabi a expliqué par rapport à cette parole ou à cette citation. Il clarifie ici, il dit que donc il lui a dit Ittaqillah. Wahm ibn Munabbih. Il lui a dit Ittaqillah, préserve-toi d'Allah. Et il lui a dit, il a dit ensuite qu'il a été exécuté par la suite, il a été tué et crucifié. Et c'est Khalid ibn Abdullah al-Qasri qui l'a exécuté. Et son histoire, elle est connue. On l'a mentionné. Et il dit ensuite que Hisham ibn Abdul Malik, il a exécuté lui Ghaylan al-Qadari. On l'appelle aussi Ghaylan al-Dimashqi, qui faisait partie des Qadariya, parmi ceux qui nient le Qadar et qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quand il a exposé certaines de ses bid'a, certaines de ses fausses croyances, comme la négation de la parole, le fait que Ibrahim est le Khalil d'Allah, il nie ça, et ainsi de suite. Donc, auparavant, il avait exposé certaines de ses croyances et il avait mentionné à Omar ibn Abdul Aziz, le khalifa bien guidé, le khalifa qui était sur la droiture. Omar ibn Abdul Aziz, il avait exposé certaines de ses croyances. Donc, Omar ibn Abdul Aziz l'avait attrapé et il avait montré sa repentance. C'est-à-dire, il a montré qu'il se repent à Allah et qu'il revient sur ses fausses croyances. Alors, Omar ibn Abdul Aziz, le khalifa, il lui a dit, يعني نكلك إلى ظاهرك. C'est-à-dire, on va s'en remettre à ce que tu montres en apparence. Et si tu es véridique, tant mieux. Mais si tu as menti, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va yani, mettre sur ton dos celui qui va te tuer. Va mettre sur ton cas celui qui va s'occuper de toi, en voulant dire. C'est-à-dire un dirigeant qui va yani, juger à ton sujet. Et effectivement, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est que Hisham ibn Abd al-Malik, qui était au pouvoir par la suite, a entendu justement que ce Ghaylan a exposé encore une fois ses fausses croyances. Et il a commencé à propager encore une fois ses fausses croyances. Alors, il l'a exécuté, ainsi qu'un autre avec lui qui s'appelait Salih. Alors, à un certain moment donné, Hisham ibn Abd al-Malik, il a eu des remords par rapport à ce qu'il avait fait, d'avoir exécuté Ghaylan et l'autre, Salih. Parce que yani, il avait peur de des questions qui ont rapport avec les exécutions et le sang. Donc il craignait Allah subhanahu wa ta'ala et il cherchait donc à se préserver d'exagérer ou de tomber dans des fautes ou des péchés par rapport à ces exécutions-là si elles n'étaient pas justifiées. Alors, un des tabi'i de l'époque, un parmi les grands parmi les tabi'i, qui s'appelait Raja ibn Hawiyah, il lui a écrit une lettre et lui a dit, on m'a fait parvenir ou on m'a transmis au Amir al-Mu'minin qu'il y avait un doute en toi-même au sujet de, yani, pas un doute, un remords en toi-même par rapport à l'exécution que tu avais ordonnée vis-à-vis de Ghaylan et de Salih. Il lui a dit, je jure par Allah que de les avoir exécutés est meilleur que d'avoir tué 2000 parmi les Romains et les Turcs. Les Romains, parce qu'à l'époque, c'était des koufars, des ennemis de l'islam, et les Turcs de l'époque qui n'étaient pas musulmans encore, ils ne s'étaient pas encore convertis à l'islam. Et donc, il dit, c'est-à-dire que d'avoir tué une personne, ou d'avoir plutôt exécuté une personne qui mérite l'exécution parce qu'elle appelle à ce qui contredit les fondements de la croyance de l'islam et qui corrompt la croyance des musulmans, c'est préférable et plus aimé pour Allah que d'avoir combattu et tué 2000 parmi les koufars explicites qui exposent ouvertement leur mécréance, parce que les innovateurs et les gens de bid'a qui appellent à des fausses croyances parmi les musulmans sont en train de corrompre à l'intérieur de la maison de l'islam, tandis que les koufars, eux, ils attaquent de l'extérieur. Et donc, leur danger est moins grand que le danger de l'ennemi intérieur. Après, le cheikh, il dit, وَمِنْ هُنَا يَقُولُ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ إِنَّ أَهْلَ الْبِدَعِ أَضَرُّ عَلَى الْإِسْلَامِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى قَالَهُ عَدَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ الْفُحُولِ وَمِنْهُمْ إِبْنُ عَقِيلٍ وَشَيْخُهُ أَبُو الْفَضْلِ الْهَمَدَانِي وَابْنُ الْجَوْزِي وابن تيمية وغيرهم ومنهم الشوكاني كرر هذا في تفسيره أن أهل البدع أضر على الإسلام من اليهود والنصارى والزنادقة لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يثقون بهؤلاء فيقبلون أباطيلهم وضلالاتهم ولا يثقون في اليهود والنصارى والزنادقة ولا يقبلون منهم شيئا فلا يتضررون لكن ضررهم بهؤلاء الذين يعني يخدع بهم المسلمون ويقبلون منهم الترهات والأضاليل والباطل. Donc il dit le cheikh ici que il y a beaucoup des salafs, justement à cause de ça, qui ont affirmé que les gens de la bid'a sont plus nuisibles pour l'islam que les juifs et les chrétiens. Et il y a un nombre d'entre les imams de l'islam, parmi les étalons de la religion, qui ont établi justement ce principe-là. Et parmi les ulama qui l'ont répété cette formule ou qui ont mentionné cette parole-là, Ibn Aqil et son cheikh Abul Fadl al-Hamadani, Ibn al-Jawzi, Ibn Taymiyyah et d'autres. Et parmi eux également l'imam Shawkani, qui l'a répété de nombreuses fois dans son tafsir. Il a expliqué que les gens de la bid'a sont plus nuisibles pour l'islam que les juifs et les chrétiens et que les hérétiques. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre les gens ont confiance en ces innovateurs-là. Alors ils vont accepter leur fausseté et leurs égarements. Tandis qu'ils ne vont pas avoir confiance en les juifs et les chrétiens et les hérétiques. Ils ne vont rien accepter d'eux. Donc ils ne vont pas être... ils vont pas ressentir ou être traités. C'est-à-dire, ils ne vont pas avoir de tort. Ces gens-là ne vont pas leur causer du tort. Les juifs, les chrétiens, les hérétiques, dont l'égarement est évident et apparent et connu, ils vont pas avoir d'égarement. Ils risquent pas de se faire égarer par ceux-là. Tandis que ceux qui, justement, sont des innovateurs, des musulmans qui sont parmi les musulmans, qui sont mélangés avec eux, ils risquent d'être trompés par eux à cause de leur apparence. Et à cause de ça, justement, accepter d'eux beaucoup de d'égarement et de fausseté. Le cheikh, il dit ensuite, وقال رحمه الله وخطب خالد بن عبد الله القسري وهو من أمراء الدولة الأموية وأمراء الدولة الأموية كان عند كثير منهم ظلم وليس كلهم مثل الحجاج وهذا خالد يعني عنده شيء من الظلم ولكن في عهدهم يحاربون البدع إذا رفع إنسان رأسه ببدعة قضوا عليه وقتلوا الخوارج في معارك كثيرة فالبدع كانت مطاردة في العهد الأموي فحفظ الله ملكهم وكان عهدهم عهد عزة للإسلام وحماية للإسلام من الداخل وتوسع فتوحات وتوسع نعم وحماية للإسلام من الداخل وتوسع وفتوحات في الخارج حتى جاء الجعد بن درهم واستولى على عقل آخر خليفة آخر خليفة وهو مروان بن محمد وغرس فيه بذعته فسقطت الدولة الأموية. وكثيرا ما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدول في الشرق وغيرها ما سقطت إلا بعد أن دخلت في البدع، فالبدع هي من أسباب سقوط الدول والعياذ بالله. وهذا يقرره شيخ الإسلام ويذكره ويذكر أن هذه الدولة كانت سليمة، لو كان فيها ظلم فلما يعني كانت سليمة ولو كان فيها ظلم، فلما جاء هذا الخبيث الجعد بن درهم ونشر هذه البدع وغرسها في ذهن آخر خليفة سلط الله عليه من يسقطه ويسقط دولته، يعني وقتل هذا الرجل بفتوى من علماء المسلمين لأنه كافر ويجب قتله، فقتله في ذلك اليوم أو في هذا اليوم يوم العيد عيد النحر، وقال انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، يعني أنتم تذبحون الأنعام من البقر والإبل والغنم، أما أنا فيعني أضحيتي بشر. بعض الناس يتكلم في إسناد هذه القصة ولكن يحكيها أئمة الإسلام تلقوها بالقبول لا شك. لماذا يضحي به؟ يقول فإنه يقول لم يتخذ إبراهيم خليلا، يعني ينكر المحبة ويقول إن الله لا يحب ولا يحب، والله صرح في آيات بأنه يحب ويحب، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني آيات وأحاديث دلت على أن الله موصوف بهذا الوصف اللائق بجلاله. هذا الوصف يختلف عن صفة المخلوقين، فهو أنكر هذا الوصف وأنكر أن الله يتكلم، إذ أنكر أن الله كلم موسى فكذب القرآن وكذب السنة بهذا النفي الجريء، فحكم عليه بالكفر وقتل جزاء إنكاره لتعطيله هاتين الصفتين، فما بالك بمن يعطل صفات الله كلها أو كلها. نعم، وينكر علو الله وينكر نزوله وينكر محبته ورضاه وغضبه إلى آخره، ينكرها ويبقى إماما مع الأسف الشديد، كما هو الشأن في رؤوس الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض وغيرهم. Donc on va traduire jusqu'ici. Le cheikh il explique que donc l'imam al-Sabouni il dit rahimahullah que Khalid ibn Abdullah al-Qasri il faisait partie des gouverneurs de l'empire Umayya, des Umayya, et il dit que les gouverneurs de cet empire ou de cette dynastie, des fois on appelle ça dynastie, les gouverneurs de cette dynastie, il y en a parmi eux qui faisaient beaucoup d'injustices. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux. Comme par exemple Al-Hajjaj, Ibn Yusuf, Al-Thaqafi et d'autres également. Et il dit, en ce qui concerne celui-ci, Khalid ibn Abdullah al-Qasri, il a un peu d'injustice lui aussi. Mais par contre, à leur époque, ils combattaient beaucoup les bid'ah. Ils étaient très, très forts et durs contre les gens de bid'ah et contre la bid'ah. Et lorsque une personne levait sa tête avec une bid'a, commençait à propager cette bid'a, il réglait son cas tout de suite. Hein? Il jouait pas avec ça. Donc ça, c'était une chose qui était positive. Hein? Alhamdoulillah. Et donc, à leur époque, ils ont combattu beaucoup de groupes parmi les différentes sectes de Khawarij, dans plusieurs combats, dans plusieurs batailles également. Donc les bid'a étaient chassés, étaient combattus à cette époque, à l'époque de la dynastie des Umayyah. Et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé leur, yani leur pouvoir et leur autorité et leur royaume. Yani, donc c'est pour dire, des fois les gens ils utilisent l'expression de khilafa, des fois ils disent daula, des fois ils disent yani al-mamlaka. Tout ça, c'est des différents termes, mais qui veulent dire la même chose, c'est-à-dire des gens qui dirigent, qui ont le pouvoir. C'est ceux qui, eux, c'est eux qui gouvernent. Donc, le cheikh, il explique que, à leur époque, il y avait, donc, une fierté de l'islam. Et ils défendaient l'islam et ils protégeaient l'islam de l'intérieur. Et ils élargissaient également les terres de l'islam et les conquêtes à l'extérieur. Jusqu'à ce que vienne cet égaré de Ja'ad ibn Dirham, et il a réussi à prendre le dessus sur la tête et l'intelligence de beaucoup d'entre les gens. C'est-à-dire, il a pris l'esprit et les raisons de beaucoup de personnes, hein, jusqu'à ce qu'il influence même le dernier d'entre les khulafa de Bani Umayyah, qui était Marwan ibn Muhammad, et il a commencé à planter en lui ses idées et sa bid'a, jusqu'à ce que la dynastie des Umayyah tombe. Et ça a été une des causes de la chute de cet empire-là et de cette dynastie-là. Et le cheikh, il mentionne justement que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a souvent mentionné un principe qui est que tous les États, les pays, hein, dans l'Est, des pays musulmans, à l'est des pays musulmans, qui ont chuté, c'était toujours après qu'il y a eu des infiltrations ou des introductions de la part des gens de bid'ah. Et le cheikh, il cite justement en note de bas de page un exemple de ça. Il dit: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وهذا الجعد إليه ينسب مروان ابن محمد الجعدي آخر خلفاء بني أمية وكان شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة فإنه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين الرسل انتقم الله ممن خالف الرسل وانتصر لهم. وقال ابن القيم الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة وعلى رأسه أي الجعد سلب الله بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفات. Donc il dit ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans Majmou' al-Fatawa, le volume 13 à la page 177, que c'est à yani Marwan ibn Muhammad al-Ja'di, qui était le dernier des khulafa de Bani Umayya, et bien c'est à cause de lui justement, c'est à lui qu'il se référait. Hein, Marwan ibn Muhammad al-Ja'di, c'est à lui qu'il retournait dans ses idées, dans ses croyances, et à cause de son mal, eh bien justement sa dynastie est tombée, hein, elle est disparue par la suite, et la bid'a, lorsqu'elle prend le dessus dans un pays, eh bien il dit, lorsque cette bid'a, elle contredit la religion des messagers, eh bien, Allah se venge de ses messagers et vient à leur secours, justement, en faisant chuter ou en faisant tomber ceux qui ont contredit les messagers. Et ça, c'est la règle. Ça, c'est une règle générale. Et beaucoup de dynasties dans les pays musulmans ont chuté lorsqu'ils se sont divisés après avoir justement accepté des innovations et des bid'as. Parce que beaucoup de divisions qui se produisent entre les musulmans, elles se produisent à cause de la bid'as. Donc il y a des musulmans, parfois ils vont dire que il faut rester unis, il ne faut pas se diviser. Et ça, c'est quelque chose qui est ordonné par Allah dans le Coran. C'est ordonné par Allah de nous unir. Il est interdit pour nous de se diviser. Ça, c'est connu. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu » Crampez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. D'accord ? Donc ça, c'est clair que c'est une obligation, que de se diviser, c'est interdit. D'accord ? Sauf que il refuse de délaisser la bid'ah. Il refuse de cesser de pratiquer leur bid'ah. Il refuse de cesser de croire en leurs innovations et leurs fausses croyances qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Donc comment par la suite ils demandent aux musulmans de s'unir sans faire les causes pour pouvoir faire en sorte qu'on soit unis, c'est-à-dire d'abandonner les innovations. Donc tu dis aux musulmans, il faut s'unir, il ne faut pas se diviser, mais tu fais le contraire de qu'est-ce que Allah nous ordonne en faisant des bid'ah. Comment tu veux qu'on s'unisse avec toi alors que tu es sur la bid'ah? Comment tu veux qu'on s'unisse avec toi alors que tu es sur l'égarement? Donc ça, c'est une attitude contradictoire. Une attitude contradictoire et hypocrite en même temps. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Et il mentionne également une parole de l'imam Ibn al-Qayyim, l'élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans son livre « As-Sawa'iq al-Mursala ». Il dit dans ce livre-là, que à la tête des gens de l'égarement, il y avait donc Ja'ad, qui a fait en sorte que justement Bani Umayya perde son khilafa et son autorité, son pouvoir, et ils ont été éparpillés dans les pays et déchirés complètement par la bénédiction du cheikh des négateurs des attributs, justement, en parlant de Ja'ad ibn Dirham. Mais ça, c'est pas une baraka, bien entendu, c'est pas une bénédiction, mais c'est une, au contraire, c'est une malédiction en réalité. Mais donc ici, le cheikh, il explique ensuite que les bid'ah donc sont une des causes de la chute de plusieurs états et de plusieurs dynasties, de plusieurs empires, wal'iyadhu billah. Et c'est ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a confirmé et a déclaré à plusieurs reprises. Il dit que même si yani un état dans lequel yani il dit yadhkur anna hadhihi ad-dawla kanat salima, yani cette dynastie ou ce pays, il était épargné du mal, il était préservé du mal, il était bien malgré qu'il y avait de l'injustice. Mais lorsque s'est égaré ce Ja'ad ibn Dirham, a commencé à propager ses innovations, et que ces innovations-là, il les a plantées, et que c'est rentré dans le cœur de certains d'entre les gens de cette dynastie-là, comme le Khalifa, celui qu'on a mentionné, Muhammad, Marwan ibn Muhammad, eh bien, c'est ce qui est arrivé. Cette dynastie, elle a tombé. Elle a chuté complètement. Et il dit que Al-Ja'ad ibn Dirham, il a été exécuté à l'époque à cause de la fatwa, justement, des ulama de l'époque qui ont jugé de sa mécréance. Et ils ont donc jugé qu'il était kafir et que sa peine, c'était donc d'être exécuté. Alors, il a été exécuté. Il a été exécuté ce jour-là, et c'était un jour de fête des musulmans. C'était le jour de Eid. Eid al-Nahr. Eid al-Adha. Alors, il a dit, c'est-à-dire Khalid ibn, le gouverneur Khalid ibn Abdullah al-Qasri, il a dit, partez chez vous et faites vos sacrifices, et que Allah bénisse vos sacrifices. Il dit, en ce qui me concerne, moi je vais sacrifier aujourd'hui Ja'ad ibn Dirham. C'est-à-dire que vous allez sacrifier vos moutons, vos vaches, vos chameaux pour ce jour de sacrifice, cette adoration du Eid. Il dit, tandis que moi, c'est un être humain que je vais égorger. C'est-à-dire que Ja'ad ibn Dirham, je vais l'exécuter parce qu'il a nié les attributs d'Allah. Et il dit qu'il y a des gens qui parlent contre la chaîne de transmission de cette histoire, sauf qu'il dit qu'elle a été rapportée par les imams de l'islam et ils l'ont acceptée, cette parole. Donc, il n'y a pas de doute sur son authenticité. Et il dit, et pourquoi il l'a sacrifiée? Hein? Il dit parce que il a dit parce que il ne croit pas que Allah subhanahu wa ta'ala a pris Ibrahim comme étant son Khalil, hein, son bien-aimé. Pourquoi? Parce que il nie l'amour. Il nie que Allah subhanahu wa ta'ala a comme attribut le fait d'aimer ou d'être aimé. Donc il dit que Allah ne peut pas aimer. Hein? Ça fait c'est comme si pour lui il considère que de dire que Allah aime, c'est équivalent à donner à Allah une attribut humaine. Hein? Et ça, c'est pour lui, c'est de comme si de rabaisser Allah. Donc, il dit, on ne peut pas attribuer à Allah l'attribut d'aimer. Et la raison de ça, c'est parce qu'il fait des... Il s'imagine que l'amour que Allah a, c'est un amour qui est comme celui de l'amour des créatures, comme l'amour des créatures. Alors qu'on sait très bien que l'amour d'Allah, c'est un amour qui est parfait et qui convient à sa perfection et à sa grandeur et à sa majesté, tandis que l'amour des créatures, il correspond aux créatures. Hein? Et donc, on ne peut pas faire des comparaisons entre le créateur et la créature. Mais eux, étant donné qu'ils n'ont pas compris ça, eh bien, ils se sont précipités pour nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et par conséquent, ils sont tombés dans le kufr à cause de ça. Et donc, le cheikh, il dit que Allah Azza wa Jal, il mentionne dans plusieurs versets dans le Coran qu'il aime et qu'il est aimé. Et il donne comme exemple le verset 4 dans Surat As-Saff, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Certes, Allah aime ceux qui combattent dans son sentier et qui forment des rangs comme s'ils étaient une muraille renforcée. » Et il donne également comme exemple le verset 54 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, quiconque d'entre vous apostasie de sa religion, hein, ou revient de sa croyance en sa religion, eh bien, sachez que Allah va faire venir à leur place un peuple qu'il aime et qu'il l'aime. Hein, un peuple que Allah aime et qui aime Allah. Qui sont humbles envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants. Donc ça, c'est des versets et des hadiths qui indiquent et qui prouvent que Allah Azza wa Jal, il a comme attribut l'attribut de l'amour et qu'on lui attribue cet attribut-là d'une manière qui lui convient, hein, qui convient à sa perfection et à sa majesté. Donc, yani, son attribut et tous les attributs qu'il possède et qui ont été mentionnés dans la révélation sont des attributs qui sont différents des attributs des créatures. Même si le terme qu'on emploie ou le mot qu'on emploie pour ces attributs d'Allah sont des attributs qui sont parfois présents chez des créatures, dans le sens que c'est le même mot pour les décrire, mais la réalité de ces attributs-là ne sont pas les mêmes. Donc l'amour d'Allah, c'est l'amour d'Allah, et l'amour des créatures, c'est l'amour des créatures. Et c'est la même chose pour tous les attributs. Hein? Donc, ça, c'est un exemple qu'on peut prendre. Et les ulama, ils mentionnent souvent ces exemples-là pour montrer la différence. Hein? Comme par exemple, les animaux, ils ont un ouïe et les êtres humains ont une ouïe. Est-ce que l'ouïe des êtres humains est comparable ou pareil à celui des animaux? Il y a une différence. Hein? Il y a des sons que les animaux peuvent entendre, les êtres humains ne peuvent pas les entendre. Hein? Donc c'est pour ça que on dit ça c'est on dit le fait que l'être humain il a une ouïe et que l'animal a une ouïe, ça ne veut pas dire que c'est le même. Donc que dire si c'est le cas entre les créatures qu'il y a une différence entre les deux. Hein? Ça c'est un exemple, celui de l'être humain, celui de l'animal, et c'est différent. Alors s'il y a une différence entre les attributs de deux créatures différentes, que dire de la différence qui existe entre les attributs du créateur et les attributs de la créature? Elles sont encore plus grandes, comme ces différences-là. D'accord, il n'y a pas de comparaison. Et ensuite, le cheikh, il explique et il dit que Al-Ja'd ibn Dirham, il a nié donc que Allah subhanahu wa ta'ala parle. Il a nié également qu'il a parlé à Moussa. Il a donc démenti le Coran et il a démenti aussi la Sunna d'une négation effrontée, hein, sans gêne. Et c'est pour cette raison qu'on a jugé à son sujet qu'il était kafir. Et il a été exécuté à cause de cette négation-là parce qu'il a nié ses attributs. Et que dire donc de celui qui nie tous les attributs d'Allah sans exception, pas seulement ces deux-là. Donc ceux qui nient par exemple l'élévation d'Allah au-dessus de sa création, ou qui nient que Allah Azza wa Jal descend au dernier tiers de la nuit, au dernier des cieux, ou qui nient l'amour d'Allah, ou son agrément, ou sa colère, et ainsi de suite. Donc, s'il la nie, et en plus, il la nie et il continue à être imam, donc ça, c'est pas acceptable, malheureusement. Donc, il dit, ça, c'est l'exemple donc, qui existe chez les têtes, parmi les têtes des Jahmiyyah, et des Mu'tazila, et des Khawarij, et des Rawafid, et d'autres. Donc, maintenant, c'est ce qui se passe chez les koufars maintenant, et également dans certains pays, comme en particulier en France maintenant. Ils veulent mettre de l'avant des mubtadi'a et les placer pour leur donner la parole dans les médias, leur donner la parole dans les réseaux sociaux, pour faire en sorte que les gens pensent que ce qu'ils prêchent et ce qu'ils enseignent, c'est eux qui représentent l'islam et c'est ça l'islam. Parce que pour eux, c'est une question, ils pensent que c'est une question de nombre. Par rapport à l'islam, qu'est-ce qui détermine et qu'est-ce qui fait que quelque chose est accepté comme étant l'islam le vrai, et qu'est-ce qui fait partie des choses qui font partie des innovations et des égarements, qu'est-ce qui détermine la différence entre les deux? Ils pensent que c'est une question de nombre. Or, ça n'a rien à voir avec le nombre. Parce que les gens de la vérité, les gens de la sunna, plus on s'éloigne de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, plus que les gens de la vérité deviennent peu nombreux et que les gens de l'égarement deviennent plus nombreux. Donc c'est pas une question de nombre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit dans le hadith, il y aura toujours un groupe de ma umma qui va être victorieux sur la vérité. C'est-à-dire qu'il va garder la vraie croyance et qui va être rester attaché au vrai islam jusqu'à ce que vienne le jugement dernier. Donc, ça veut dire que peu importe la quantité des musulmans qui s'égarent du droit chemin et qui rentrent dans les innovations et dans les bid'ahs, il y aura toujours un noyau, un groupe parmi les musulmans qui, eux, vont rester accrochés et attachés à la sunna selon la compréhension des salaf al-salih et qui ne vont pas dévier. Et ce sera toujours eux les victorieux sur les gens de bid'ah et sur les autres groupes qui ont dévié. Peu importe leur faiblesse, même s'ils sont dans des situations de faiblesse parfois, ou qu'ils sont dans une situation minoritaire, c'est toujours eux les victorieux. Pourquoi? Parce que c'est eux qui s'accrochent aux preuves du Coran et de la Sunna, et qui se réfèrent justement aux fondements et aux bases de l'islam, et qui reviennent à la position des salafs. Et c'est également pour la même raison que tous les groupes de bid'ah qui sont apparus à travers l'histoire, la première chose qu'ils essaient de faire, c'est de faire tomber les salafs. C'est-à-dire de dénigrer les sahaba ou de faire tomber les sahaba. Parce que ils se disent que, du moment que les sahaba ont clarifié et ont expliqué la façon et la méthodologie pour comprendre le Coran et la Sunna, donc, ça veut dire, ils disent selon pour eux, ça veut dire qu'ils ne pourront jamais avoir le chemin libre et la voie libre pour pouvoir entrer et inventer leurs propres interprétations. Alors, ils veulent à tout prix faire tomber les salafs, faire tomber les sahaba pour qu'ils deviennent eux la référence dans la façon de comprendre l'islam. Or, ça ne va, beaucoup l'ont essayé dans le passé. Les Rafida, ils ont essayé. Les Mu'tazila, les Khawarij, et beaucoup d'autres groupes qui sont sortis par la suite, les soufis et autres, ils essaient d'élever des références parmi les musulmans et d'élever leur propre personnage au-dessus des sahaba, au-dessus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même parfois. Mais à chaque fois, ils n'ont jamais réussi à faire ça parce que, justement, les musulmans, ils ne se laissent pas facilement tromper ou égarer de cette façon. Et même si un grand nombre d'entre eux parfois tombent dans les filets de ces shayatin, al-ins, eh bien, alhamdoulilah, il y a toujours un nombre de la Ummah qui va rester sincère et fidèle et accroché fermement au Coran et à la Sunna et à la voie des salafs, peu importe qu'est-ce que les mubtadi'a peuvent propager, comme à l'époque de l'imam Ahmad, lorsque les Mu'tazila ont réussi à prendre un certain pouvoir parce qu'ils ont eu l'oreille du khalifa de l'époque, al-Ma'moun, et ensuite al-Wathiq, et ensuite al-Mu'tasim, et ensuite al-Wathiq, trois khulafa qui ont été influencés par ces gens-là, par cette secte, et ils ont justement même essayé d'imposer leurs croyances par la force aux autres musulmans, et ils ont même torturé et emprisonné les imams et les ulamas de l'époque pour les forcer à croire en leur bid'a, et malgré tout ce qu'ils possédaient comme moyens, ils n'ont pas été capables. Donc les koufars aujourd'hui, ils sont en train de dépenser des millions de dollars pour essayer d'égarer les musulmans. Et ils pensent qu'avec ça, ils vont être capables et ils vont réussir dans leur projet. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus d'eux. Et il les cerne et les enveloppe de sa science. Et leur ruse et leur complot va se retourner contre eux. Et l'argent qu'ils dépensent contre l'islam et les musulmans, eh bien, ça va devenir une source de remords pour eux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran. Et na'am. Fatarabbasu inni ma'akum min al-mutarabbisin. Attendez, je suis avec vous, je suis parmi vous. Je suis avec vous parmi ceux qui attendent. Et on va voir. Soit, de toute façon, c'est soit la victoire dans ce bas monde, ou soit dans l'au-delà. Un ou l'autre. Na'am, donc le cheikh il explique ensuite, il dit: وَهَاُولَا عَلَى طَرِيقَةِ الْجَهْمِ ابْنُ صَفْوَانُ وَالْجَعْدِ ابْنُ دِرْهَمِ لِأَنَّ الْجَعْدِ هَذَا أُسْتَاذُ الْجَهْمِ وَأَوَّلُ مَنْ نَشَرَ هَذَا الشَّرَّ وَتَلَقَّاهُ عَنِ الْيَهُودِ تَلَقَّى هَذِهِ الْفِتْنَةُ وَهَذَا الضَّلَالُ عَنِ الْيَهُودِ لِأَنَّ الْيَهُودَ مِنْ خُبْثِهِمْ يَبُثُّونَ الصِّفَاتِ وَلَكِنَّهُمْ يَكِيدُونَ لِلْإِسْلَامِ لأن اليهود من خبثهم يثبتون الصفات ولكنهم يكيدون للإسلام دسوا هذا المجرم على الإسلام والمسلمين يبث هذه العقائد الفاسدة لأنهم يعلمون أن من ورائها شرا خطيرا واليهود دائما يسعون في الأرض فسادا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين وهم الذين غيروا دين عيسى عليه السلام عيسى رسول الله كريم عيسى رسول كريم ومن أولي العزم وجاء بالتوحيد فأفسدوا دينه وضحكوا على البلهاء من النصارى وقالوا لهم إن عيسى هو الله أو ثالث ثلاثة أو هو ابن الله وقبلوا هذه العقيدة فهم أضل الناس وأجهل الناس ولهذا أمرنا الله بالاستعاذة من ضلالهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم هم اليهود لأنهم يعرفون الحق ويحاربونه والنصارى جهال ضالون لأنه لأن دينهم قائم على الجهل والضلال والعياذ بالله. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بالبراءة والاستعاذة من دين الغضب ومن دين الضلال. ولهذا يقول علماء المسلمين: من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن ضل من علمائنا ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فنسأل الله العافية. Donc le cheikh il explique ici que donc ces gens-là qui étaient sur la voie de Jahm ibn Safwan et de Ja'd ibn Dirham, et il dit à la base Ja'd ibn Dirham c'était le professeur de Jahm ibn Safwan, et c'est lui le premier qui a propagé cette fausse croyance, et il l'avait pris lui-même des juifs. Et il dit que c'est donc cette fitna et cet égarement, elle est venue à l'origine, hein, elle est venue à l'origine des juifs. Il dit les juifs eux-mêmes, ils affirment les attributs d'Allah. Sauf que, yani, ils veulent ruser contre l'islam et les musulmans. Alors ils ont infiltré ce criminel parmi les musulmans, hein, pour essayer de corrompre les croyances de la Oumma. Et donc, il dit parce qu'ils savent que dans cette croyance-là, il y a beaucoup de mal et de danger. Et il dit, c'est connu donc que les juifs, ils propagent du désordre sur la terre. Et il dit le verset 64 dans Sourate Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, à chaque fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Et ils propagent le désordre sur la terre. Et Allah n'aime pas ceux qui propagent le désordre. Et donc il dit, ce sont eux également qui ont corrompu la religion de Jésus, Isa alayhi salam. Alors que Jésus est un messager noble parmi les prophètes, parmi les grands prophètes qu'on appelle Ulul Azm. Et il est venu avec le tawhid, l'unicité d'Allah et la foi en l'unicité d'Allah. Mais ils ont corrompu sa religion et ils se sont moqués des faibles d'esprit parmi les chrétiens pour les amener à dire que Jésus c'était Dieu ou le Fils de Dieu ou une trinité. Et eux, ils ont accepté cette fausse croyance. Hein? Alors, ils sont donc les plus égarés parmi les hommes et les plus ignorants. Et c'est pour cette raison que Allah Azza wa Jal, il nous ordonne dans le Coran de chercher le refuge contre eux et contre leur égarement. Quand il nous a mentionné dans Surat Al-Fatiha, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux qui, sur qui tu as mis ta grâce, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Et les gens qui ont encouru la colère d'Allah sont les juifs, parce qu'ils connaissent la vérité, mais ils la combattent. Tandis que les chrétiens, ce sont eux, ad-dallun, les égarés. Ils sont, parce qu'ils sont ignorants. Et donc, leur religion est établie sur l'ignorance de la vérité et l'égarement. Wal'iyadhu billah. Et Allah Azza wa Jal, il nous a donc ordonné de se désavouer et de chercher refuge, hein, en lui contre les gens de l'égarement et les gens de la colère d'Allah. Et c'est pour cette raison-là que les ulama de l'islam ont mentionné que ceux d'entre nos ulama qui se sont égarés ont une ressemblance avec les juifs. Tandis que ceux de nos adorateurs qui se sont égarés ont une ressemblance avec les chrétiens. Wa nas'alullah al-afiya wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa nas'alullah al-afiyata wa salama. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera le prochain cours, la suite, avec un nouveau chapitre. Le prochain cours, ce sera inshallah la aqida. Le chapitre qu'on va lire dans la aqidah de l'imam al-Sabuni, c'est aqidah tu ashab al-hadith fi nuzul al-Rabbi subhanahu wa ta'ala wa maji'ihi. C'est-à-dire la aqidah des savants du hadith, yani, au sujet de la descente d'Allah Azza wa Jal et de sa venue. Comme il dit par exemple, comme on a mentionné le hadith déjà, du fait que Allah il descend chaque nuit au dernier tiers de la nuit. Et le fait qu'il vient au jour de la résurrection. Donc, on continuera le cours, la suite, prochain cours, bi'ibnillah.